voie 1, le train S7 à destination de Halle de 19h10, voie 1. Spoor 1, de S7 trein naar Halle van 19:10, spoor 1.